Mohamed Dali, sa petite Dali, Istanbul, 20 grammes de Cali. J'allais les vierges, je suis de Paris, j'allais les vierges, je suis de Paris. On s'en bat les couilles de ta vie. Un petit voyage en eau trouble, petit fils de pute, tu vas pas t'en remettre. J'avais pas la nabotrum, je me fais masser sur un yacht qui fait 40 mètres. Recul, viens le Maybach. Merde, une tire le payback. Impliqué depuis 2004, on va te niquer ta mère dans ton équipe de V4. T'es comme un chef qui n'a plus de poids. Putain de légende, au bout de moi, on se souvient plus de toi. C'est un champ, plus de l'eau, on va vers l'hôtel. Lyon, c'est beaucoup de pavés des hôtels. T'as les talons, ce ballon, t'as vidé la taille. T'as ton face, c'est clip avec qui tu étais la veille. Tashkent, Tashkent, concrete, Boxen, Cité, AP, what's down, jet lag, rivé. On a vidé la caisse, en 7 jours, j'fais le tour de la Grèce. Millionnaire, dans la baie de la cesse, fils de terme, j'ai gratuit dans la tesse. Shorty ateş, üzerim Nike Tech bro, peşimde İBAEŞ. Düşman haberleri buralar leş, udumda cinayet. Soframda ziyafet bro, mahallede her bina trap. Bebeş bekliyor beni, çırılçıplak no kıyafet. More money, more problems, gelsin problemler. Hazırız dünden full dope shit, kaldıramaz bünyen. VVS Bing, Lambo olur künyen. Konu paraysa çok gülmem, konu mördaysa hep gündem. Gacı motorsa ben sürmem, young money so ergen no gül ben. Bütü aplara haduken, golden Q boyam so başken. Bebellerle kırmızı keres, gel okey, Habib Balebez. Cepte cash, yapam cash in now. Lil bad bitch, let more depth sec. Ben at motion, sen motionless. Baby, fuck me like only fans. Başkent, Taşkent, Concrete, Baksen, CT, AP, Bust down, Jetlag, Divin. On a vidé la caisse, en 7 jours, j'fais le tour de la Grèce. Millionnaire, dans la baie de la cesse. Fils de timbre, j'ai gratuit dans la tête. Başkent, Taşkent, Concrete, Baksen, CT, AP, Bust down, Jetlag, Divin. On a vidé la caisse, en 7 jours, j'fais le tour de la Grèce. Millionnaire, dans la baie de la cesse. Fils de timbre, j'ai gratuit dans la tête. Hey, hey.